Les sourires que j'écoute parlent de maisons, de toutes les couleurs et de toutes les saisons, des virgules de langages et des fresques, tout un univers et des pins ou presque. J'aime écouter les gens, mon cœur s'ouvre quand il rit, il tremble quand il crie, et dans de tels moments, j'aime ce qui n'est pas moi, sans même savoir pourquoi il existe autre chose de beau que mon propre ego. Les souffles que j'écoute parlent de jardin, de toutes les couleurs et de tous les parfums, de la vie qui grandit par la force de l'amour et de la joie qui rayonne autour. J'aime écouter les femmes et ces graines de paroles qui me les donnent, que je les vole, je les plante. Sur le chemin